Les âmes, ferme-toi dans toi. À nouveau, la pierre tourna. Démasquant l'entrée de la caverne aux merveilles. Ali Baba n'hésita pas un instant. Oh, des Suka, d'Allah, d'Assa. Ah, si mon frère voyait tout ça, Dadia. Ah, ça Rafa. Oh, est-ce possible, se dit-il, est-ce possible? Mais Ali Baba n'était pas fou. Il fit entrer ses âmes, puisa dans les coffres remplis d'or et repartit après avoir ordonné à la caverne de s'ouvrir à nouveau, car elle se refermait toute seule quand on était entré. Cependant, il avait dissimulé sous ses feuilles mortes le chargement de ses âmes.